D'après les informations, le Conseil des mesures pour le problème des volontaires de la Corée du Sud a publié le 12 juin une déclaration contre le cynisme des Japonais qui cherchent à couvrir le crime de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise. La déclaration a noté que c'était les pires crimes de guerre délibérés et institutionnels sans précédent dans l'histoire que le Japon a commis pendant la guerre, en trompant ou emmenant de force beaucoup de femmes dans les territoires occupés et coloniaux pour en faire esclaves sexuels.